Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel, disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau vive, sans qu'elle lui coûte rien. Celui qui vaincra, héritera toutes choses, et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la mort seconde. Alors un des sept anges qui avait eu les sept fioles pleines des sept dernières plaies, s'approcha de moi, et me parla, en disant, viens et je te montrerai l'épouse, qui est la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe, tirant sur le cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Du côté de l'Orient, 3 portes, du côté de Septentrion, 3 portes, du côté du Midi, 3 portes, et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et les noms des 12 apôtres de l'agneau étaient écrits dessus. Et celui qui parlait avec moi, avait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité était bâtie en carré, et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la cité avec le roseau d'or, jusqu'à 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire, de l'ange. Et le bâtiment de la muraille était de jaspe, mais la cité était d'or pur, semblable à du verre fort transparent. Et les fondements de la muraille de la cité, étaient ornés de toutes pierres précieuses, le premier fondement était de jaspe, le second, de saphir, le troisième, de chalcédoine, le quatrième, d'émeraude, le cinquième, de sardonyx, le sixième, de sardoine, le septième, de chrysolite, le huitième, de béryl, le neuvième, de topaze, le dixième, de chrysoprase, l'onzième, d'hyacinthe, le douzième, d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une perle, et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre le plus transparent. Et je ne vis point de temple en elle, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et l'agneau en est le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune, pour luire en elle, car la clarté de Dieu l'a éclairée, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées, marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Et ses portes ne seront point fermées de jour, or il n'y aura point là de nuit. Et on y apportera ce que les gentils, ont de plus magnifique et de plus précieux. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits au livre de vie de l'agneau.